Thank you. Votre couteau de chef peut-il faire ça? Ce couteau japonais fabriqué à la main n'est-ce pas un jouet? Thank you.